ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Ella Fitzgerald. Quand elle joue avec des musiciens et qu'elle dialogue avec eux au même diapason, c'est-à-dire qu'elle improvise comme un jazzman, et elle le fait avec une très grande générosité, ça, je pense qu'on ne peut faire qu'une chose, c'est admirer. L'auteur Gilles Archambault, qui a parlé de jazz pendant des années à la radio, décrit dans cet extrait l'incroyable talent avec lequel Ella Fitzgerald réussissait effectivement à improviser quand elle reprenait sur scène les plus grands classiques du jazz. Reine de l'improvisation et du scat, Ella Fitzgerald aura profondément marqué l'histoire du jazz. L'une des plus belles voix du 20e siècle, elle va enregistrer plus de 250 disques au cours de son immense carrière. Dans les années 30, on n'emmenait pas sa mère à un concert de jazz, ni sa femme d'ailleurs. On emmenait éventuellement sa maîtresse. Les gens adoraient le jazz, mais c'était très underground. Même parmi la classe moyenne noire et les congrégations religieuses noires, le jazz était mal considéré au début. Il était associé au jeu, à la dépravation. Des musiciens comme Duke Ellington et Ella lui ont vraiment donné une sorte de respectabilité. Après Ella, il est devenu possible d'emmener sa mère écouter du jazz. Drop me off in Harlem, any place in Harlem. There's someone waiting there who makes it seem like heaven up in Harlem. Ella Fitzgerald chantant « Drop Me Off in Harlem » et si tout a effectivement commencé pour elle à Harlem en 1934, elle compte aussi, vous l'avez entendu dans cet extrait, parmi ceux et celles qui auront donné au jazz ses lettres de noblesse. C'est le critique Will Friedwald qui en parlait dans cet extrait du documentaire « Pure Love » produit par Arte en 2017. Pour nous parler de la grande Ella Fitzgerald, je reçois Benoît Melançon, qui est professeur au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. Benoît Melançon, bonjour. Bonjour. Les auditeurs qui nous écoutent vont se dire, c'est quoi le lien? Le lien, c'est que vous êtes un fou fini d'Ella Fitzgerald, un passionné d'elle. Quand on a fait ensemble l'émission sur Maurice Richard, sur l'émeute du Forum en 55, vous m'avez dit, je rêve de faire une émission sur Ella Fitzgerald. Pourquoi? Je me suis aperçu un jour que depuis 35 ans, c'était la chanteuse que j'écoutais le plus souvent. C'était toujours vers elle que je me tournais. Pas toujours la même, évidemment, parce qu'on ne s'intéresse pas toujours au même disque, aux mêmes chansons. Mais pour moi, c'est mon horizon musical. C'est celle vers laquelle je me tourne. Alors, je suis un amateur, je suis un fan, j'essaie d'être informé. Oui. Mais évidemment, je parle aujourd'hui comme un amoureux de Fitzgerald. Ben, on va vous entendre avec... c'est peut-être la meilleure façon d'aborder un personnage comme ça, hein, avec les yeux du cœur. Vous la placez où, comme amoureux de Fitzgerald, parmi les autres grandes, Nina Simone, Billie Holiday? Alors, elle est évidemment très, très différente sur toutes sortes de plans. C'est pas Nina Simone, elle est pas du tout dans la revendication ouverte. C'est quelqu'un qui dit, moi, mon bonheur, c'est de chanter. La comparaison la plus fréquente, c'est avec Billie Holiday. Alors, c'est une comparaison bête, mais juste, qui est vraie. C'est un lieu commun, mais c'est un lieu commun qui marche. Billie Holiday, c'est la nuit, c'est la douleur, c'est la souffrance. Oui. Ella Fitzgerald, c'est le jour, c'est la lumière, c'est la joie, c'est le bonheur. Alors, c'est bête un peu de le dire comme ça, mais ça marche assez bien. Hein? On a vraiment deux personnes, en plus, parfaitement contemporaines, mais qui ont deux rapports au monde complètement différents. Et ça s'entend tout de suite dans leur voix. Exactement. De fait. On va parler dans un instant davantage, évidemment, de cette immense carrière qu'elle aura, de la chanteuse qu'elle a été. Parlons en quand même un peu de la femme, plus que discrète, elle est carrément secrète, Ella Fitzgerald, sur deux grands thèmes. D'abord l'enfance, dont elle parlera très peu, mais qui sera très difficile. Oui, alors, on sait qu'elle perd son père rapidement. Elle naît en Virginie, elle déménage à New York. Sa mère meurt quand elle est adolescente. Et là, il y a une période assez trouble de sa vie, effectivement. Elle-même ne s'est pas expliquée, elle n'a pas d'autobiographie, elle n'a pas de mémoire. On sait qu'Ella Fitzgerald est dans la rue, vit dans la rue, après avoir abandonné l'école en 34-35. Mais on en sait très, très peu à part ça. Bon, les biographes se sont intéressés à cette période-là, mais ils n'arrivent à rien trouver. Et puis, probablement, déjà, on y reviendra, mais une première expérience de racisme, elle serait dans une école de réforme. Ah oui, alors c'est vraiment très, très difficile, pour autant qu'on puisse en juger, mais elle-même ne s'est jamais expliquée là-dessus. Autre chapitre sur lequel elle sera très peu bavarde, ses amours, et là encore, ce ne sera pas beaucoup plus joyeux, Benoît Melançon. Non, alors... Elle a un mari officiel, Ray Brown, avec lequel elle va adopter un garçon, Ray Brown Jr., qui est le fils de sa demi-sœur. Mais imaginez, en 1962, Elle est en tournée 46 semaines dans l'année. C'est une année comme ça, mais il y a plusieurs années comme celle-là. Donc, elle n'a pas de place véritablement pour une vie amoureuse. À la limite, elle n'a même pas de place pour une vie personnelle. Hein. Elle est sur scène continuellement. Ouais. Elle fait des voyages qui n'ont aucun sens. Elle fait des tournées partout dans le monde. Puis c'est un soir à tel endroit, un soir à tel endroit. Donc, sa vie personnelle, elle l'a laissée de côté radicalement pour tout investir dans la musique. Et des mauvais choix, un mari officiellement, mais quelques hommes qui traversent oui, sa alors, vie. Qui ont des CV pas très reluisants. Un gigolo, ce que je disais ça en préparant l'émission carrément. En Norvégien, autres. Oui. Ouais. Ça commence en 34, on y revient, ça commence à Harlem pour elle. Ce qui est assez amusant, c'est qu'elle se présente dans un concours amateur pour présenter un numéro de danse. Et finalement, elle va gagner ce concours en chantant. Alors, c'est très, très fréquent à Harlem dans les années 30, ce genre de concours. Alors, il y a des concours d'amateurs, et c'est à ça qu'elle participe. Elle va participer à un autre concours d'amateurs par la suite qu'elle va aussi gagner. Et il y a des concours entre orchestres. Donc, les orchestres vont dans des bars et ils jouent, et c'est l'applaudimètre qui va décider qui est le gagnant de la bataille entre les deux orchestres. Ouais. Et c'est comme ça qu'elle va devenir chanteuse pour l'orchestre de Chick Webb. Chick Webb, qui est un joueur de batterie, qui dirige un orchestre, se dit à un moment donné, comment je fais pour me singulariser par rapport aux autres? Qu'est-ce que je fais pour me permettre de gagner ce genre de bagarre dans les bars? Et il va se chercher une chanteuse. Et quelqu'un va lui recommander Ella Fitzgerald, donc, qui n'a pas de formation musicale, qui n'a gagné que des concours d'amateurs. Mais quelqu'un lui dit, voilà la personne qu'il faut. Elle a la voix qu'il faut, puis elle va bien entrer dans le moule de cet orchestre. Et ça va marcher. Ils vont travailler ensemble pendant quelques années. Et surtout, en 1938, arrivera ceci. A brown and yellow basket. I send a letter to my mummy. On the way I dropped it. I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue. C'est cette chanson, Benoît Melançon, A Tisket, A Tasket, qui va vraiment, mais véritablement lancer la carrière de Ella Fitzgerald. Alors, elle entre dans l'orchestre de Chick Webb et elle commence à enregistrer tout de suite. Alors, les premiers disques de Ella Fitzgerald, c'est 1935. A Tisket, A Tasket, c'est 1938. Et c'est effectivement un succès phénoménal. C'est un succès phénoménal, pourquoi? Par la radio. C'est la radio dans les années 30 et les années 40 qui transmet le jazz partout. Alors, c'est une comptine qu'elle-même va adapter. C'est elle qui va faire les paroles de cette chanson-là. Alors, c'est pas sa chanson la plus profonde, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, mais c'est un très bon rythme et ça marche très, très fort. Et donc, elle va en vendre un nombre très, très, très considérable. J'ai vu un million, de cette chanson, un million d'exemples. Elle enregistre à ce moment-là chez Decca, qui est la compagnie de Chick Webb, à laquelle Chick Webb est associée. Elle va vendre 22 millions de disques entre 1935 et 1954. C'est incroyable. Hallucinant comme succès. Et ça, c'est un de ses premiers grands succès. Et on va l'appeler tout de suite The First Lady of Swing, dès 1939. Ouais. Vous voyez, ça fait 4 ans qu'elle enregistre, et déjà, on a su que c'était elle qui incarnait ça le mieux. Et vous parlez de la période Decca qui se termine en 54 à peu près, parce que va entrer dans sa vie un type qui s'appelle Norman Granz, qui va être très, très important pour elle et qui va même créer en 56. La maison, l'étiquette Verve Records. Norman Granz est absolument phénoménal. Alors, Norman Granz, c'était quelqu'un qui, manifestement, n'était pas très, très aimable, mais il y a un mot qui le résume assez bien, c'est le mot « dignité ». Norman Granz a décidé de rendre sa dignité à toutes sortes d'aspects du monde. Il a voulu faire du jazz une musique digne. Il a voulu lui donner ses lettres de noblesse. Il a fait pour ça quoi? Il a créé une série de concerts en disant « Le jazz, ça va sortir des bars et des cafés. » Et il a fait « Jazz at the Philharmonic ». Il veut rendre leur dignité, la dignité de ces artistes. Donc, il va les payer. Il va bien les payer. Il va être très généreux envers eux, même s'il a un mauvais caractère, même si les gens ne s'entendent pas avec lui. Il les paye très, très bien. Et il va vouloir aussi rendre sa dignité au public. Parce que lui, son grand cheval de bataille, c'est le racisme. Ouais. Donc, dans ses contrats, il insiste pour que les gens aient droit, tout le monde, d'entrer dans les salles pour voir du jazz, blanc ou noir. Et que les musiciens blancs puissent jouer eux aussi avec des noirs et qu'il n'y ait pas de racisme institué. C'est pas lui qui va changer évidemment toute la situation du racisme aux États-Unis, mais il investit très très fort de ce côté-là. Il y a une dignité de la musique, des artistes, du public qu'il valorise. Et il sera très très important dans la vie et la carrière de Ella Fitzgerald parce que ces années, Verve Records entre autres, ces années 50, c'est vraiment l'âge d'or de Ella Fitzgerald. Dans cet âge d'or, une série extraordinaire, le fameux Great American Songbook de Ella Fitzgerald, 8 disques où elle reprend les classiques du jazz. Birds do it, bees do it, even educated fleas do it, it. Let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians, and let's do it. Let's do it. Let's fall in love. The Dutch is... Let's Do It, qui fait partie donc du premier disque de cette série Great American Songbook d'Ella Fitzgerald, celui consacré en 1956 à Cole Porter. Quelle importance à cette série de disques, Benoît Melançon, dans la carrière d'Ella Fitzgerald, mais je dirais un peu candidement plus que ça dans l'histoire du jazz. Ça marche dans les deux sens. Norman Granz veut rendre cette dignité à la musique. Il fait ça en créant le Jazz at the Philharmonic. Il fait ça en instituant un canon. Alors, Ella Fitzgerald n'est pas la première à faire le Great American Songbook. Fred Astaire en a déjà fait, Oscar Peterson en a fait pour des pièces instrumentales. Mais là, il y a vraiment un projet concerté qui consiste à dire quels sont les plus importants compositeurs américains, comment est-ce qu'on peut leur donner la plus grande valeur. Ouais. Et évidemment, faisant ça, Ella Fitzgerald donne de la valeur à ses créateurs, mais elle se donne elle-même de la valeur. Et là, bien sûr, les gens se chicanent. Alors, quel est le plus grand des American Songbooks? Moi, je suis content qu'on vienne d'entendre Cole Porter. Pour moi, c'est le plus grand. Pour d'autres, c'est Gershwin. Ouais. Pour d'autres, c'est Berlin, mais ils ont vraiment choisi les compositeurs essentiels. Et ces 8 disques sur une période de 8 ans marquent vraiment un tournant dans l'institutionnalisation du jazz, dans la mémoire culturelle des États-Unis. Et avec cette intention, au départ. Ah, c'est fait pour ça. La trace qu'on voulait laisser. Autre grande série, je vous disais, les années 50, les années de Verve Records, c'est fabuleux. Autre très grande série de disques, 3 d'Ella Fitzgerald dans ces années, c'est celle, c'est les disques qu'elle va enregistrer avec Louis Armstrong. Summertime de Gershwin. Que dire, Benoît Melançon, de cette collaboration avec Louis Armstrong, sinon que deux géants se rencontrent? Alors, dans la carrière de Ella Fitzgerald, il y a beaucoup de ces duos. C'est souvent des duos avec ses pairs, hein, des gens de son âge ou des gens avec lesquels elle a des affinités, je dirais, d'amitié. Là, on est dans une relation d'admiration. Alors, Louis Armstrong, il est plus vieux qu'elle. On lui est un peu, c'est probablement faux, mais faisons comme si c'était vrai, l'invention du scat, qui va évidemment devenir le mode d'expression le plus symbolique, le plus représentatif de la Fitzgerald. Ouais. Et donc, quand elle chante avec Louis Armstrong, c'est à la fois chanter avec un père, quelqu'un qui chante comme elle, et c'est chanter avec un maître. Ouais. Et elle va beaucoup s'amuser, d'ailleurs, très souvent, non seulement dans ces disques-là, mais sur d'autres disques, à imiter Louis Armstrong. Elle imite sa voix. Et il y a plein de gens, d'ailleurs, qui disent qu'elle a abîmé sa voix à force d'imiter Louis Armstrong en concert. C'est donc le signe d'une admiration réelle et sur une très, très longue durée, parce que, bien sûr, il y a ces disques-là dans les années 50, mais ils ont fait des concerts ensemble, ouais. Ils ont fait de la télévision ensemble, ils se sont fréquentés largement. C'est véritablement une union très, très forte. Ouais. Cette voix, on pourrait parler des heures de cette voix d'Ella Fitzgerald, mais en quelques mots, comment, qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Alors, première chose frappante, tout le monde le reconnaît, une diction phénoménale. Vous comprenez tout ce que dit Ella Fitzgerald dans toutes ses chansons. Moi, j'en ai écouté des centaines. Il y a un mot que je ne comprends pas, c'est un mot en français, ce qui est un peu frustrant, mais bon, diction. Rythme. Elle a un rythme parfait. Et les musiciens qui travaillent avec elle disent, d'une séance à l'autre, d'un concert à l'autre, elle a exactement le même rythme. Ouais. Elle joue la même chanson 6 fois dans la semaine, puis il y a une variation d'une seconde. La capacité d'apprendre des chansons à une vitesse phénoménale. Alors, Europe, vous disiez 250 disques, mais c'est des centaines et des centaines de chansons qu'elle maîtrise très, très rapidement. Donc, il y a une adaptabilité de sa voix et évidemment un spectre très, très large. Ouais. Hein? Elle est parfois dans les graves et parfois dans les aigus et parfois dans la même chanson. Et cette joie, ce bonheur dont on parlait un peu plus tôt dans l'émission, qui s'entend entend dans sa voix quand on faisait la comparaison, par exemple, avec une Billie Holiday qui est plus sombre. Ça, comme d'autres chanteurs qui n'ont rien à voir, mais Sinatra, c'est de la musique qui fait du bien. Ah oui, quand elle, on écoute la musique de Sinatra. Elle aime ça chanter, elle aime ça que son public soit heureux, c'est son but. Ouais. Elle aime travailler avec ses musiciens, elle aime la scène, elle aime le contact direct, encore plus que le disque d'ailleurs. La voix d'Ella Fitzgerald, c'est peut-être sur deux disques qu'elle va enregistrer avec le pianiste Ellis Larkins au début des années 50. C'est peut-être sur ces deux disques-là, au fond, qu'on peut le mieux l'apprécier parce qu'il y a piano et voix. I've got a crush on someone. Guess who I've got a crush on you, sweetie pie. All the day and night time, hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Well, my very favorite person, and I love her as a person as well as a singer. I think she's the greatest, and that's Ella Fitzgerald. The world will pardon my mush, 'cause I've got a crush, my baby, on you. C'est Marilyn Monroe que vous entendiez brièvement sur cette chanson « I've got a crush on you ». Marilyn Monroe qui a eu un coup de cœur pour Ella Fitzgerald avec ses deux disques qu'elle va enregistrer, Ella Fitzgerald avec Ellis Larkins. Et quand on entend ce qu'on vient d'entendre, Benoît Melançon, on comprend très bien tout de suite et pourquoi. C'est par ses chansons et ses deux disques que Marilyn va craquer pour Ella Fitzgerald. Il y a toutes sortes de chansons qu'Ella Fitzgerald a interprétées. Il y a ce qu'elle appelle, ce qu'on appelle des novelty songs, non? Tisket a Tasket, des chansons très, très légères. Et il y a des ballades. Et c'est ce qu'elle préfère faire. Et là, on vient d'en entendre une magnifique. Et donc, quand elle trouve le bon pianiste, quand elle trouve le bon accompagnateur, en plus, c'est enregistré, ça, probablement d'une seule prise. Hein? Norman Granz, le producteur, dit, moi, je crois à la virgin take. La prise vierge. Vous venez, vous installez, vous chantez. Alors, elle avait cette adaptabilité phénoménale. Marilyn Monroe va faire partie de ce combat contre le racisme. Alors, dans un bar de Los Angeles, le patron ne sait pas s'il veut effectivement ouvrir ses portes. En fait, il refuse d'ouvrir ses portes aux Noirs. Marilyn Monroe dit, ben moi, je vais t'amener du public et du public célèbre. Donc, ouvre tes portes. Et le patron le fait à son grand profit, évidemment. En fait, elle lui dit, je veux qu'Ella Fitzgerald vienne chez toi. Et pour le convaincre, elle dit, je serai là chaque soir. Exactement. Et elle entraîne avec elle plein de vedettes du cinéma. Alors, il y a là véritablement une collusion pour lutter contre le racisme. Le combat de Marilyn Monroe, c'est le combat de Norman Granz. Ouais. Et elles tisseront cette relation ensemble, l'une et l'autre. Un mot sur... j'en parlais au tout début de l'émission, sur Ella Fitzgerald sur scène. Je disais au début de l'émission, c'est la reine du scat, c'est la reine de l'improvisation. On écoute un extrait qui témoigne très, très bien de ça. L'interprétation qu'elle va faire de Mac the Knife dans le célèbre concert de Berlin en 1960. Ella qui imite Louis Armstrong, dont vous nous parliez, Benoît Melançon, c'est celle qu'on vient d'entendre. C'est extraordinaire, cet extrait. C'est d'ailleurs vous qui nous aviez dit... absolument entendre ça, c'est sûr. Oui, parce que là, on voit à la fois le scat, donc les onomatopées, c'est de l'improvisation. Donc, on vient de l'entendre. Et en plus, elle, très souvent, ça lui arrive, là, c'est le cas par excellence, mais dans d'autres chansons aussi, elle s'aperçoit qu'elle ne sait plus les paroles. Et elle le dit. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, « We're making a wreck of Mac the Knife ». Donc, on est en train de détruire la chanson. Ouais. Et donc, elle chante ce qu'elle est en train de faire. Alors ça demande un talent d'improvisation considérable. Ce qui est amusant, bien sûr, c'est qu'on va reprendre cette chanson-là à l'identique par j'ai la suite. J'ai écouté, en préparant cette émission, Juan Lépin, en 64. C'est pareil, mais c'est une grande interprète dans tous les sens parce que les fous rires sont au même endroit. C'est savamment étudié, cette improvisation. C'est ça. Alors ça, elle avait ce talent-là dans les paroles, mais elle avait ce talent-là dans la musique, c'est-à-dire elle faisait des combats avec ses propres musiciens. Hein. Elle devenait elle-même un instrument. Ouais. C'est ça que les musiciens aimaient, c'est qu'ils pouvaient jouer avec elle, échanger, dialoguer avec elle. Parlons de la dernière période d'Ella Fitzgerald, qui va coïncider, entre autres, à une forme de déclin, en tout cas physiquement, certainement. Ah oui, elle est très, très malade. Elle va être malade. Mmh. Celle qu'on va voir, d'ailleurs, deux fois au Festival de jazz de Montréal dans les années 80, c'est cette Ella Fitzgerald un peu diminuée. Comment décrire cette dernière période? Alors, Norman Granz lance Verve Records en 1956. Et en fait, il n'est pas là très longtemps. Il est là jusqu'au début des années 60. Et quand il part, il signe un contrat en disant « Je ne vais pas lancer d'autres maisons de disques » pendant un certain nombre d'années. En 73, il lance une nouvelle maison de disques, qui est la maison Pablo. Et là, il se passe deux choses au moins intéressantes pour Ella Fitzgerald. D'abord, elle renoue avec des duos célèbres. Et notamment, un de ses plus beaux disques pour moi, c'est par là que je l'ai découverte, qui est « A Perfect Match », qui est un disque avec Count Basie, big band, très fort, ça déménage. Et au même moment, elle va s'associer à un autre musicien, et là, c'est nouveau, c'est un nouveau duo, et c'est avec Joe Pass. Donc, Joe Pass, qui est un guitariste. Et là, on va se retrouver justement avec des ballades, des chansons beaucoup plus douces. Elle est très malade, elle a passé sa vie à faire avoir un horaire qui n'a aucun sens en spectacle. Elle va faire de moins en moins de concerts pour éviter justement d'être trop diminuée. Mais elle a eu des problèmes de poids, des problèmes de vue, des problèmes cardiaques, des problèmes de diabète. Donc, la fin de sa vie va être effectivement très, très difficile. Or, pour quelqu'un qui n'a pas véritablement de vie personnelle très développée et qui ne vit que pour la scène, c'est particulièrement cruel. Ouais. Puis nous, il nous reste, heureusement, toute cette musique, ces centaines et centaines et centaines de chansons. Benoît Melançon, professeur au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal, passionné. Toujours passionné. De la Fitzgerald est passionnant aujourd'hui à la trentaine. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission. À la recherche, Caroline Morin et André Martineau. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Au site Internet, Mathieu Arsenault. À la technique aujourd'hui, Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. A fine romance, my good.